Je sais mieux ce que tu penses là-dessus que toi-même, Landry. Puisque j'étais cause de votre fâcherie, il faut que je sois cause de votre contentement. Et c'est la bonne occasion de faire comprendre à Madelon que tu l'aimes. Tu connaîtras que s'il est doux d'avoir de l'amour d'une belle, il est utile d'avoir l'amitié d'une laide. Que tu sois belle ou laide, Fanchon, je crois comprendre déjà que ton amitié est une très bonne chose. Tu as beaucoup de bonté, mais je t'ai fait un grand affront aujourd'hui. Je ne t'ai pas embrassé une seule fois à la danse, Fanchon, et pourtant, c'était mon devoir et mon droit, puisque c'est la coutume. Je t'ai traité comme on fait des petites filles de 10 ans, et pourtant, tu es quasiment de mon âge. Il n'y a pas plus d'un an de différence. Je t'ai donc fait une injure. Je n'y ai pas seulement pensé, dit la petite Fadette, et elle se leva, car elle sentait qu'elle mentait. Mais avant que je te dise adieu, Fadette, est-ce que tu ne veux pas me pardonner ? Mais Landry, je n'ai pas de pardon à te faire. Si fait, dit Landry, tu me dois un pardon. C'est de me dire qu'il faut à présent que je t'embrasse, pour réparer de l'avoir omis dans le jour. La petite Fadette trembla un peu. C'est bien assez d'avoir fait danser la laide. Ce serait trop de vertu que de vouloir l'embrasser. Tiens, ne dis pas ça, s'exclama Landry, en lui prenant la main et le bras tout ensemble. À moins que la chose ne te chagrine, te répugne, venant de moi. Il tremblait de peur qu'elle n'y consentît point. Écoute, Landry, lui dit-elle de sa voix douce et flatteuse. Comme je ne suis ni coquette, ni belle, voilà ce que je te dis. Serre-moi la main, en signe de nette amitié, et je serai contente d'avoir ton amitié. Oui, dit Landry, mais la plus honnête amitié n'empêche point qu'on s'embrasse. Il tenta de l'embrasser par surprise, mais elle y fit résistance, et se mit à pleurer. Laisse-moi, Landry, tu me fais beaucoup de peine. Je vois bien, lui dit-il, que tu en as une plus forte qui te défend de m'embrasser. Non, Landry, répondit-elle en sanglotant, mais j'ai peur que pour m'avoir embrassé la nuit, sans me voir, vous ne me haïssiez quand vous me reverrez au jour. Est-ce que je ne t'ai jamais vu ? Dit Landry impatienté. Est-ce que je ne te vois pas, à présent ? Tiens, viens un peu à la lune. Je te vois bien, et je sais bien que tu n'es pas laide, mais j'aime ta figure. Puisque je t'aime, voilà tout. Et puis il l'embrassa, d'abord tout en tremblant, et puis il y revint avec tant de goût qu'elle en eut peur, et lui dit en le repoussant, « Assez, Landry, assez. On dirait que tu m'embrasses de colère, ou que tu penses à Madelon. Apaise-toi, je lui parlerai demain. Et demain, tu l'embrasseras avec plus de joie que je ne peux t'en donner. » Là-dessus, elle sortit vivement et partit de son pas léger.